hein. Et yo, j'en ai assez vu. Tu les respectes, ils veulent te marcher dessus. Je suis grave déçu, pourquoi se casser le cul? J'ai trop donné, j'ai trop fait d'efforts. J'étais trop gentil avec des gens qui veulent me jeter des sorts. Faut que je me téléporte loin, dans un meilleur coin. Et leur bien, si possible, avec un deuil clin. Fuck la France, ma revanche. Je veux vous mettre d'accord. Ceux qui me souhaitent la mort, je vous souhaite de croiser la grande dame blanche. Allez vous faire mettre. Je crache mon seum et j'estime que je peux me le permettre. Je maudis celles qui ont osé vous faire naître. Non, pas les mères, je sais que j'ai pas besoin de ça. Ouais, mais ça me vénère. Je te jure, j'ai grave les bouches. Je te jure, j'ai grave les nerfs. Façon, bref, façon. Si tu sais pas garder ton sang-froid en toi, enfoiré, t'as qu'à bouffer des glaçons. Putain, occupez-vous de vous. Car que vous le vouliez ou non, vous allez manger des coups de fou, des coups de boule, des coups de coude de kung-fu. Faut que je me vide, j'ai rempli de seum, à force qu'ils me prennent pour un bouche-trou. Et ça y est, je crois que j'ai assez de seum. Alors je vais cracher le feu jusqu'à ce qu'ils s'arrachent les cheveux. Et incessamment, sous peu, je vais exploser, exposer mon seum et je vais le poser dans un testament. My man, la haine me malmène. Je m'en bats les couilles, me parle pas d'amour alors que je m'aime pas moi-même. Je préfère courir après le bus plutôt qu'après les gens. Et que toutes ces belles putes soient enculées, je suis à peine méchant, hein. Et ils font trop les mecs. Ouais là je suis vulgaire mais je baisse ces putes nègres comme un proxénète. Niquez vos races. Si vous le faites pas moi je suivrai vos traces pour le faire moi-même. Et ça c'est irrévocable, je calcule plus personne. Non j'aime plus personne, j'ai plus confiance à personne. Personne jusqu'à ce que mon heure sonne. Je respecte les gens car c'est les valeurs qu'on m'a inculquées. Mais le respect se perd, c'est qu'une légende. Ce qu'on gagne c'est qu'on se fait insulter. Je me prends des coups de partout et comme un con je laisse tout passer. Et heureusement que j'écris des textes sinon je vais tout casser. Ils crachent sur ton travail puis te descendent quand tu fais ton job. Puis quand tu réussis ils reviennent pour sucer ton zob, hein. C'est comme ça, faut pas que je me laisse abattre. C'est pas du gangsta rap, c'est juste un texte à rage. Qu'on soit bien d'accord. J'irai pas vers le hardcore ni le grave gore. Mais je veux juste que les têtes s'arrachent, hein. Parce qu'ils m'ont rendu triste, hein. Maintenant je les piste bien pour buter ces fils de chiens. Faut que la tristesse je les bute avec une adresse immense. Aujourd'hui j'ouvre ma gueule parce que j'ai trop gardé le silence. Pourtant je suis un mec bien d'habitude. Ouais mais bon trop con, ils sont pleins d'ingratitude. Maintenant je suis sans état d'âme. Je suis irréprochable, loyal, regarde comment ils te le rendent ces bâtards. Maintenant je vais penser qu'à moi, on se fait du mal à force de trop souffrir. Car trop souffrir amène à trop souffrir. Je garde ma confiance pour moi, car j'en accorde beaucoup. Et regarde les dénier avec la corde au cou. Maintenant c'est moi qui prends le dessus. Je pense que tu dois savoir que ce que tu penses. Moi je me prends le dessus. Je pète un boulon, je pète un fusil, je pète un gaz. J'ai d'humeur électrique, d'humeur frénétique. J'ai la tête instable. Je vais canner les types, je vais gratter des titres et cracher mes tripes dans ce genre de texte infâme. Fuck, je laisserai ces pétasses en sang et en cendre. Vas-y cut mon gars, faut bien que je me fasse entendre. Je suis fatigué de la vie, la zig c'est juste un anti-cerne. J'en ai marre de voir des gens qui saignent, je veux voir des gens qui s'aiment. Vas-y coupe.